فبتوحيد الله سبحانه وتعالى تدخل الجنة يا عبد الله على ما كان من العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فتفقهوا في هذا الحق الأعظم، توحيد الله وإخلاص الدين له. ولأجل ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل وأنزل جميع الكتب، فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لهذه المهمة العظيمة أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل. ومن أراد أن يتفقه في التوحيد في حق الله على العباد عليه أن يفقه تماما كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتفسيرها في القرآن الكريم معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، تنفي استحقاق العبادة عن كل من سوى الله ثم تثبتها لله وحده. قال سبحانه: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى لا إله إلا الله. أما من لم يقم بحق الله سبحانه فقد خسر خسرانا مبينا في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن أشرك به شيئا. ومن أشرك بالله العظيم بأن جعل حق الله سبحانه وتعالى لغيره من خلقه فإن الله لا يغفر له ويحبط عمله ويخلده في ناره عياذا بالله. قال سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أظلم الظلم وأعظم الذنوب. قال الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويبصرنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شفخ ساشي فالله سبحانه وتعالى nous a créé nous ainsi que l'ensemble de ses créatures pour une sagesse très noble et très grande qui n'est autre que de l'adorer seul d'un culte sincère, d'adorer Allah Azza wa Jal uniquement et de ne jamais donner une forme d'adoration à un autre qu'Allah Subhanahu. Et ceci est appelé At-Tawhid, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration, de par le culte sincère. Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés car il était dans le besoin. Il ne nous a pas créés pour se renforcer après une faiblesse, mais il nous a créés pour cette grande sagesse pour qu'on l'adore seul, et cela d'un culte sincère. Et nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Mais c'est plutôt Allah, le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Allah Azza wa Jal se passe largement des mondes. Il n'a besoin ni de nous ni de notre adoration. Mais nous, nous avons besoin de l'adorer afin qu'il nous accorde de la guider. Qu'il nous préserve, nous soigne lorsque nous sommes malades, qu'il nous guide, qu'il nous pardonne nos péchés, nous délivre de nos soucis et d'afflictions. Et c'est cela le lien qu'on a avec Allah Azza wa Jal, l'adoration. Et cette adoration est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Celui qui concrétise cela obtiendra le bien dans ce bas monde et l'au-delà. Quant à celui qui ne lui accorde pas d'importance, il périra dans ce bas monde et l'au-delà. L'adoration d'Allah ne se restreint pas à la prière au jeûne du mois de Ramadan, mais c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole, comme action, que cela soit apparent ou intérieur, comme l'amour, la crainte, l'espoir, le sacrifice, le vœu, et tout ce qu'Allah aime et agrée. Tout cela est adoration et c'est le droit d'Allah. Allah nous dit dans son livre, et adorez Allah et ne lui associez rien, ainsi que la bienfaisance envers vos parents, les proches, les orphelins, et il mentionne encore d'autres droits. C'est pour cela que ce verset est appelé le verset des 10 droits. Remarquez qu'Allah Azza wa Jal a commencé par son droit, le droit le plus grand, adorez Allah et ne lui associez rien. Dans un autre verset, il nous interdit le pire péché, celui qui contredit ce droit. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Dis, venez, je vais vous mentionner ce qu'Allah vous a interdit. Ne lui associez rien. L'ordre le plus grand est d'adorer Allah seul d'un culte sincère. Et le péché le plus grave est de contredire ce droit, c'est shirk, l'association. Donner le droit d'Allah à autrui. Mu'adh ibn Jabal nous dit, j'étais un jour en croupe derrière l'âne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou sur l'âne du prophète alayhi salatu wa sallam derrière lui. C'est alors qu'il me dit au Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Je répondis, Allah et son messager sont plus savants. Il me dit donc, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans jamais rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui a jamais associé. Celui qui remplit ce droit, Allah subhanahu wa ta'ala bénira sa vie. Lui accordera le bien dans ce bas monde et l'au-delà, il acceptera ses bonnes actions. Il lui pardonnera ses péchés et le fera entrer au paradis et l'assistera. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans l'associer, que Mohammed est son serviteur et messager, que Isa est son serviteur et messager, ainsi que sa parole déposée à Mariam et Nam émanant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, entrera au paradis selon ses actions. Donc si tu t'acquittes de ton devoir envers Allah, tu entreras au paradis. Aussi le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, certes Allah a interdit au feu quiconque dira la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Quant à celui qui ne s'acquitte pas du droit d'Allah Azza wa Jal, il obtiendra la plus grande peine dans ce bas monde et l'au-delà. Il vivra une vie remplie de gêne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah n'acceptera rien de lui. Et il n'aura d'autre destination si ce n'est le feu. Il nous dit dans son livre, certes Allah ne pardonne pas le shirk, et en dessous de cela il pardonne à qui il veut. Il nous dit, celui qui commet du shirk, le paradis lui est interdit. L'enfer sera sa destination. Et pour les injustes, nul secoureur. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, ne vais-je pas vous informer du pire péché? des pires péchés, et nous dit, certes au messager d'Allah, et lui de répondre, c'est le fait de donner un égal à Allah. C'est le fait de donner un associé à Allah. De donner le droit d'Allah à autre qu'Allah. Voici le pire des péchés par lequel Allah fut désobéi. Et c'est la pire injustice dans les recommandations de l'Uqman dans le Coran, portant son nom. Inna shirka la dhulmun adhim. Certes, le shirk est une énorme injustice. Ainsi, on se doit d'étudier ce qu'est Tawhid pour le concrétiser. Car c'est notre lien avec Allah, l'adorer seul sans rien lui associer. On doit également étudier Ash-Shirk pour s'en prémunir, car ce péché annule toutes les œuvres, fait sortir la personne du plus grand bienfait d'Allah, l'Islam. C'est cela la réalité de l'Islam, unifier Allah d'un culte sincère, l'adorer lui, sans jamais rien lui associer. Voici sa base, son socle, son fondement le plus important. Et sans Tawhid, il n'y a pas d'Islam. Sans Tawhid, il n'y a pas d'Islam. L'Islam, c'est Tawhid. Adorer Allah seul d'un culte sincère. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé l'ensemble des messagers et des prophètes à leur peuple. Pour leur dire, n'adorez qu'Allah, vous n'avez pas de divinité adorée en dehors de lui. Vous n'avez pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Tous les prophètes sont venus avec ce message. Comme on nous dit dans le Coran, et on a envoyé. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'adorez qu'Allah. Et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Et celui qui veut comprendre réellement le tawhid se doit de comprendre sa parole par excellence, c'est-à-dire la ilaha illallah. Pour comprendre le tawhid, il faut comprendre cette parole qui signifie nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Tu dois renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, puis affirmer que le seul qui mérite d'être adoré est Allah. On doit donc étudier cette parole, la mettre en pratique et agir en fonction de ce qui en découle. Tout comme on doit craindre de tomber dans le contraire qui est shirk, car c'est la pire des injustices, celle qui cause l'annulation du tawhid ou sa diminution. Le prophète alayhi salatu wa salam dit aux compagnons, la chose que je redoute le plus pour vous, c'est le shirk. C'est le shirk. Ibrahim alayhi salam, l'imam des prophètes et des monothéistes, a eu peur du shirk. Il a invoqué Allah Azza wa Jal en disant « وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ » Ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs, ou avant cela, et éloigne-moi moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. Ibrahim alayhi salam a eu peur du shirk, car il connaît la valeur du tawhid et les conséquences du shirk. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre sur la ilaha illallah et de ne reprendre notre âme que sur la ilaha illallah avec sa compréhension et sa mise en pratique. Tout comme nous l'implorons afin qu'il nous préserve du shirk sous toutes ses formes, qu'il nous en prémunisse et nous en éloigne. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et je vous rappelle le grand projet de la construction de la mosquée. On invoque Allah Azza wa Jal afin que cet édifice se lève sincèrement à la recherche de l'agrément d'Allah, afin qu'il puisse être adoré et unifié dans cette mosquée. Et celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين واسترنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك